mais moi je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast hebdomadaire Démocratie participative, épisode numéro 15 de cette première saison. Nos auditeurs réguliers savent que je procède à un petit rappel. Vous pouvez nous écrire sur notre mailbox. Je vous donne l'adresse immédiatement, démocratie participative d'un seul tenant, hein, pas d'accent sur démocratie. @mail.ru, je répète, démocratie participative, @mail.ru, pas d'accent sur démocratie et démocratie participative en un seul tenant. Suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube, hein, vous vous abonnez, n'oubliez jamais de vous abonner quand vous regardez nos vidéos, parce que comme ça vous recevez des alertes pour les nouveaux numéros, c'est quand même assez pratique. Donc chaîne YouTube, démocratie participative également, et notre page Facebook, évidemment aussi, aimez-la, likez-la, et comme ça vous pourrez suivre notre actualité. Alors, sans plus tarder, je vais présenter nos intervenants de la semaine. On a un intervenant spécial hein, cette semaine, et vous allez apprendre à le connaître. Mais tout de suite, évidemment, je commence avec Derrick. Comment vas-tu, cher Derrick ? Ça va. Très plus calme que la semaine dernière, mais voilà, très bien. Formidable. Porovitch, comment vas-tu, Porovitch ? Ça va. Shalom aleikum, mes frères. Fulbert, le plus belge de nos intervenants. Ah, Fulbert, bien, merci. Bonjour à tous. Bon, alors, j'ai une question, Fulbert. Est-ce que tu t'es converti à la démocratie cette semaine ou toujours pas ? J'ai essayé, mais c'est un échec lamentable. Bon, bah écoute, faut pas désespérer, hein ? Non. Fulbert est possédé par des djinns nazis. Mathilde, la seule femme qui intervient de temps à autre, de façon épisodique, sur notre émission. Ça donne un ton un peu différent. Ça va, Mathilde ? Oui, ça va très bien, comme un samedi, en pleine forme. Tu n'es toujours pas progressiste non plus ? Ah, je me pose des questions, je suis dans le doute. C'est bien. Non, toujours continue, pas. Continue. Et notre invité de la semaine, Zyger, qui lui nous vient du Québec. Salut Zyger. Salut les gars, ça va ? Ah, ça va très très bien. Alors bon, t'es un petit peu l'invité spécial, j'espère qu'on te retrouvera dans d'autres émissions. On va en parler hein, dans la deuxième partie de l'émission, tu vas nous dire en fait un peu qu'est-ce qui se passe au Québec, et puis on va revenir aussi sur ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'on est en pleine campagne présidentielle, là il reste plus, je crois qu'un gros mois, hein, un petit peu plus d'un mois avant l'élection, à proprement en parler. Et il se passe des choses et tu auras, à mon avis, tu auras ton petit truc à dire, je crois. Oui, ça devrait être intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis en ce moment, donc je crois qu'on devrait avoir de quoi discuter. Très bien, très bien. Bon, on peut passer tout de suite à notre première rubrique qui s'intitule « Autisme radical hein, », où on met en relief l'autisme de nos contemporains, singulièrement de gauche, mais pas exclusivement. Et d'ailleurs, c'est tellement pas exclusif que notre première anecdote de cette rubrique autisme radical va concerner une histoire. Je vais pas la qualifier tout de suite. Je vais vous en laisser le privilège et je vous en donne le titre que j'ai récupéré dans la presse parce qu'évidemment, cette rubrique, comme toutes nos rubriques d'ailleurs, pour l'essentiel, sont basées sur des articles de presse hein, librement accessibles en ligne. Alors, le titre que j'ai trouvé sur Yahoo News, incroyable, point d'exclamation. Une femme devenue un homme tombe enceinte d'un homme qui était une femme. Alors, faut voir les photos, c'est absolument, c'est spécial. Hein. Fernando Machado et Diane Rodriguez, originaires de l'Équateur, ont donné naissance à leur premier enfant il y a 4 mois. Et si l'arrivée d'un bébé dans un couple semble normale, leur histoire est unique. En effet, Fernando Machado est un homme devenu une femme. et Diane Rodriguez, une femme aujourd'hui homme. Il se représente le premier couple transgenre d'Amérique du Sud. Alors, je vous passe un petit peu les détails. Alors, il se déclare, alors je cite hein, le couple très heureux d'avoir eu cette naissance. « Nous sommes comme les autres familles », a expliqué Fernando Machado, « même si nous n'avons peut-être pas les mêmes droits, nous sommes identiques. » Diane Rodriguez a partagé sa joie à l'idée de devenir parent à nouveau, un rêve qu'elle n'aurait jamais pensé devenir un jour réalité. Et là, je la cite, « Être une mère n'est pas quelque chose que je pensais possible compte tenu du fait que je suis transsexuel. Ici, la loi exigeait d'être castré afin d'être reconnu en tant que femme, et en fait, il a bravé l'interdiction, donc il n'a pas été castré. » Alors, là, je crois qu'on nage, dans quelque chose qui est vraiment, qui reflète assez bien notre époque, malheureusement, en Occident. Je prends tous les commentaires. La parole est à vous. Voilà. Qu'est-ce que ça vous dit, ça ? Ça, ils sont originaires de l'Équateur, mais ça se passe où ? Aux États-Unis, c'est ça ? Ah non, c'est en Équateur. Hein. En Équateur, d'accord. Ah ben, tiens, d'accord. Premier couple transgenre d'Amérique du Sud qui a un enfant. Mais est-ce qu'il n'y a rien qui vous interpelle là ? Démontre une grande bravoure de leur part. Bravo. Pourquoi une grande bravoure ? Je sais pas, ça me semble comme quelque chose que je devrais dire pour être politiquement correct. Après tout, les transsexuels sont braves, non? Ben, se faire exploser dans un champ de bataille, c'est pas tellement grave, c'est pas tellement brave maintenant, mais être un dégénéré, ben, ça demande de la bravoure, quoi. C'est tellement, ça va tellement à l'encontre des normes sociales, après tout. Ouais, alors, mais bon. Ouais. Surtout, enfin, tu as un type, donc, un mec. ouais. Tu as un mec qui se déguise en femme, ouais. Une femme qui se déguise en mec, ouais. Enfin qui se déguise entre guillemets, enfin ouais, c'est pas qu'entre guillemets, c'est que tu as le déguisement plus la chirurgie, le traitement hormonal et compagnie. Tout ça pour au final finir sur une espèce de carnaval. Quoi. Donc en gros, tu as la femme en homme d'un côté, l'homme en femme de l'autre. Et ça veut jouer la famille normale, quoi. C'est carrément. C'est-à-dire que quand tu lis les articles, les titres de la presse, parce qu'attention, ça a fait la presse, attention, même en Belgique, là, j'ai vu ça chez toi, Fulbert. Alors, ils disent, un homme devenu femme, et puis, en fait, quand tu te renseignes, tu te dis, en fait, bah non, c'est un homme et une femme qui ont eu un enfant, simplement, ils sont déguisés en homme et en femme, inversement. C'est tout. Ils ont simplement changé les habits. En fait, c'est une escroquerie totale, parce qu'on parle de transgenre et tout, mais non, c'est un homme, une femme qui ont eu un gosse, quoi. Et ils te montrent tout un char là-dessus. Alors, évidemment, les deux protagonistes sont des dégénérés, c'est tout à fait évident. Oui, voilà, j'ai dit, c'est pas juste un homme et une femme qui ont eu des enfants, parce que si ça serait ça, un homme et une femme qui ont des enfants, habituellement, t'as pas envie de leur retirer leur gosse, t'as peur qu'ils lui fassent du mal. Là, non, mais biologiquement, voilà, c'est un mâle et une femelle qui ont eu un enfant. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de, voilà. Mais simplement, ce qui rend le truc trendy, quoi, c'est qu'en fait, il y a un simulacre avec l'homme se déguisant en femme et inversement. Et voilà, et ça devient une nouveauté sociale, bref. Bon. Sur la transsexualité, on voit bien que ils innovent à chaque fois. Mais enfin, je vais dire, je pense que d'ici quelques années, ça sera les plus réactionnaires. Parce qu'entre-temps, ils auront créé des trucs genre avec 4 personnes, avec des manipulations génétiques, enfin des trucs complètement fous, et ça nous fera dire, bah finalement, là les deux dégénérés, là ils étaient peut-être en arrière du wagon quoi quelque part. C'est des fascistes dans le fond. peut-être. Ouais. Mais ouais, évidemment, dans le futur, on va probablement avoir des couples dont humain cheval et avec le miracle de la génétique, ils vont peut-être même pouvoir avoir des enfants. J'ai hâte de voir ça. Oh oui. Ben, moi, je note quand même que la réalité s'obstine à être fasciste, hein, parce que en dépit de tout ce spectacle, ce baratin là sur le genre. Espèce de soi-disant construction sociale qui n'aurait pas de rapport avec rien, qu'on peut bafouer comme on veut. Je remarque que c'est quand même bien la personne qui est née de sexe féminin qui a le gosse, et que c'est bien le type de sexe masculin qui l'a engrossé, quoi. C'est-à-dire que décidément, les déterminismes sexuels sont tenaces. La réalité fasciste, mes amis. Non seulement ils sont tenaces, mais c'est-à-dire que t'as que ça, quoi. C'est quand même la base, quoi. Tu as besoin d'un homme et d'une femme pour procréer. Mais ils veulent essayer de. Ils tendent. Enfin, ils. Les dégénérés, singulièrement les homosexuels, tendent à vouloir justement se libérer de cette contrainte en essayant de créer un système de reproduction qui, en fait, qui soit complètement découplé de l'acte sexuel et même des contraintes biologiques. Donc, eux, ce qu'ils aimeraient, c'est carrément avoir la fécondation in vitro et la gestation in vitro. Et au final, si tu veux, il y a plus de mère. Voilà, ça, c'est quand même le but. C'est-à-dire faire des... ouais, donc le fœtus grandisse dans un aquarium, c'est ça. Voilà, en gros, ça c'est vraiment... Super. Bah oui, parce qu'il y a vraiment la volonté de s'affranchir totalement, si tu veux, c'est une névrose, hein, de s'affranchir des origines sexuelles typées, quoi, donc bah de procéder d'une femme et d'un... Mais c'est quand même aberrant, puisque... De toute façon, il faut des gamètes femelles et des gamètes mâles, hein. Mais bon, voilà. Ah ben non, parce que j'ai vu un article là-dessus. Enfin, ils sont toujours à la pointe dans la guerre contre le réel. Ils ont peut-être une piste pour arriver à faire un fœtus, enfin un bébé avec seulement des gamètes mâles. Donc ils étaient très contents. Ça vient de sortir, ça aussi. Voilà, sinon ça. Bon, en même temps, il y avait Pierre Berger, donc ce milliardaire socialiste, enfin millionnaire socialiste. Qui était le compagnon d'Yves Saint-Laurent, je crois, si ma mémoire est exacte, on corrigera si je me trompe, grand compagnon de route de François Hollande, auquel on doit d'ailleurs la fameuse union civile des homosexuels, hein. C'est lui qui a fait une pression maximale sur Hollande pour le faire passer, et il l'a obtenu, et c'est lui qui avait expliqué que fallait que, à terme, les femmes, enfin qu'il était logique qu'on puisse louer le ventre des femmes, notamment en Inde, pour produire des enfants, donc typiquement le capriste de l'homosexuel millionnaire, quoi, qui veut son joujou, qui veut sa poupée, voilà. Voilà, c'est le progrès. Sans parler d'homosexualité, les mères porteuses pour d'autres femmes, c'est aussi louer un ventre, hein. Ah oui, bien sûr, totalement. C'est aussi le début de la fin, quoi. Et pour rejoindre là, ce qui vient d'être dit, là, moi, je voyais un commentaire, je crois que je rejoindrais pas mal celui-là, quand tu lisais ton article tout à l'heure, il faut déjà suivre au début, t'as envie de dire mal à la tête, quoi. Mal à la tête quand tu entends tout ça, et ça rejoint aussi le premier homme enceinte, là, le dégénéré, qui est dans Secret Story en ce moment, sans regarder l'émission à fond, vous en avez peut-être entendu parler. Premier homme enceinte, en fait, donc tu te poses une question, je me suis dit, ben, mince, j'ai raté quelque chose, et en fait, voilà, c'est un trans, c'était une femme, mais il a les deux sexes, il a rencontré une bonne femme, ils sont en couple, ils ont eu plusieurs gamins, donc premier homme enceinte. Voilà. Et là, bah, tout le monde s'extasie, c'est génial, c'est super, je suis émue, je pleure de bonheur. Bon, c'est le début de la fin. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment un... Mais bon, les mères porteuses, c'est pareil. Puis c'est à grande échelle maintenant. C'est quand même fou qu'on osait penser qu'un jour, une femme pourrait porter le gamin, soi-disant, d'une autre, et puis après le vendre, quoi. C'est ça, en fait. Ah oui, non. C'est juste horrible dans les deux sens, quoi. Enfin, moi, voilà. Je conçois même pas ça en tant que femme. C'est insupportable. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est un assaut contre la maternité, c'est tout à fait. Ouais. D'ailleurs, on peut noter d'ailleurs que les féministes sont pas très combattantes, hein, sur ce sujet-là, n'est-ce pas? Notamment nos amis intersectionnels. Ah oui, on en avait parlé avec les végans. Hein. Oui, la lutte intersectionnelle, hein, ça c'est magique aussi. De toute façon, maintenant, les LGBT, ça c'est le passé. Maintenant, on est au LGBTQI, hein. Alors, LGBTQI, voilà, prenez vos carnets, mais parce que vous allez en avoir besoin. Lesbien, gay, bisexuel, transsexuel, queer, intersexuel. C'est bon? Bah, ça discrimine les asexuels. Mais ça va venir, t'en fais pas. Il faut pas désespérer du genre humain, surtout ce genre de genre humain. La lettre Q, c'est pourquoi déjà? Queer. Queer? Okay. Ça veut dire queer. Bizarre en anglais. Ben, les Anglais, ils aiment ça s'appelle queer parce que c'était dans le vernaculaire anglais, disons, du passé, ils appelaient les homosexuels et les dégénérés des queer, des bizarres, et c'était comme une insulte, mais là, ils se sont réapproprié le terme comme ils aiment tellement faire. C'est pas ces oiseaux-là qu'on voit des fois dans les manifs avec des pancartes du genre une famille, une balle, un enfant, une balle, une famille, une rafale. Ils l'ont fait ça. Si, mais c'est des fous, mais c'est des tarés. C'est des gens très sains, très équilibrés. C'est nous qui avons un problème, pardon. Bah, ils sont progressistes, nous on est dans le passé, quoi. C'est tout. Hein. C'est ça. Ouais, bah, j'en connais quelques progressistes qui vont finir dans le passé aussi. Alors, avant de passer au deuxième point de notre rubrique autisme radical, Alexis nous a rejoint. Voilà, bonjour. Salut Alexis. Point numéro 2 donc de notre rubrique autisme radical. Alors là, ça vous fait marrer. Enfin, moi, ça m'a fait marrer en tout cas. Alors, je cite, hein, coupure de presse, titre. Magazine Forbes. Myriam El Khomri et Najat Vallaud-Belkacem, classées parmi les femmes les plus puissantes du monde arabe. Le nouveau classement des femmes arabes les plus puissantes a été publié récemment par le magazine américain Forbes. Trois Marocaines, selon le site marocain Bladi, font partie de cette liste, dont les deux dont j'ai parlé, deux ministres du gouvernement socialiste. Alors, ça vous fait quoi de savoir que la France fait partie du monde arabe? Ça prouve que j'ai été visionnaire avec mon Shalom Aleikoum, parce qu'effectivement, visiblement, on fait partie du monde arabe, la France fait partie du monde arabe. On s'en était rendu compte, hein. Le monde arabe, tu le vois dès que tu sors de chez toi. Hein. Donc, c'est logique. Pas partout, pas encore. C'est-à-dire que visiblement, les Américains ont un regard sur la France qui est beaucoup plus proche de la réalité que les médias français eux-mêmes ou que les Français peuvent même les plus progressistes. Parce que même les gens de gauche, ils ne proclament pas leur appartenance au monde arabe. Ils ont toujours la prétention d'incarner une espèce de modèle de société occidentale novateur, etc. Mais ils se disent jamais, ouais, on appartient au monde arabe. Il y en a quelques-uns qui disent, il y en a peut-être un ou deux qui ont sorti des trucs du genre. C'est souvent des provocateurs, ils disent, la France, Eddy Plenel, je crois qu'il l'a dit. Eddy Plenel, l'ancien rédacteur du Monde, journal Le Monde, socialiste Le Monde. Je crois qu'il a dit, la France est un grand pays musulman et il faut le vivre comme une chance, etc. C'est vrai. Mais bon, c'est toujours assez marrant de le relever. Bon, deux personnes. Alors, El Khomri, d'après vous, elle a laissé un souvenir impérissable, El Khomri? Parce qu'elle a quand même mis toute la France dans la rue. Bon, à son corps défendant, mais bon, elle a mis toute la France dans la rue pour son projet de loi. Son projet, faut clairement recadrer tout de suite ces deux ministres. Faut savoir qu'aujourd'hui, le travail de ministre, c'est un travail d'acteur. Hein. C'est pas eux qui ficellent les projets. C'est fait par d'autres, elles sont là pour être devant la caméra, donc déjà quand on dit femme les plus puissantes, ça me fait beaucoup rire. Je me souviens d'ailleurs d'une interview de Roselyne Bachelot sur la 5e qui était assez révélatrice, puisque elle-même qui avait été ministre à haut poste avouait que lorsqu'il fallait contacter le président de la République, elle ne savait même pas qui était son interlocuteur. Ça en dit long sur le réel degré de pouvoir de ces personnes. Alors malheureusement, Myriam El Khomri est une métisse, elle est à moitié bretonne. Bon. Ah, merde. Oui, la Bretagne ne produit pas ce qu'il y a de meilleur, il faut bien le reconnaître. Oui. Qui est à moitié bretonne? El Khomri. Ah d'accord. Ah, c'est pour ça qu'elle a un visage un peu plus carré, elle a un type un peu moins prononcé. Elle a la peau très mate, elle a les cheveux très noirs. Et quand tu regardes ses traits, c'est moins maghrébique, j'ai envie de dire. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je vois. Et la deuxième, bon alors là, Najat Vallaud-Belkacem, et ça fait le lien. Il y a Alexis et Mathilde qui vont avoir des choses à dire sur Najat. Ouais. Mais bon, c'est quand même, et ça fait le lien avec le premier point de notre rubrique, parce que c'est elle qui a porté le mariage des pédales, on va le dire clairement, quoi. Le mariage des pédales et des sodomites. C'est elle qui l'a porté quand elle était ministre à l'égalité de je sais pas quoi, enfin ministre des femmes, je sais pas, un truc encore, un machin. Et c'est elle qui se déplaçait dans les écoles devant des gamins de 12 ans pour leur dire mais c'est génial, maintenant les homosexuels on pourra se marier. Et elle était à côté, moi je le rappelle, sur BFM TV, dans une classe devant des gamins de 10-12 ans. Il y avait un PD qui s'appelait Guillou, d'ailleurs c'était aussi un breton, vraiment, je suis obligé de le souligner quand même. Et alors, il y avait le FOC qui expliquait, alors oui, alors les préjugés, machin, t'avais les gamins, ils étaient là sidérés, t'avais toutes les télés autour, enfin les caméras, et t'avais Najat qui faisait son petit laïus, tu sais, toute propre sur elle et tout. Voilà, donc voilà, les femmes les plus influentes du monde arabe. Voilà. Ouais, c'est intéressant, parce que ça suit le motif sémite de subversion, parce que dans le monde arabe, évidemment, les PD, ils se font balancer du toit des bâtiments. Mais quand ils viennent ici, après ça, ils disent « Ah oui, infidèle, il faut tolérer les homosexuels et tout. » C'est clairement pour nous affaiblir ici et aussi juste pour nous humilier. Là. C'est pour montrer à quel point on est inférieur aux grands musulmans de leur propre monde. Bah, Belkacem, c'est quelqu'un, je précise, c'est quelqu'un qui est en fait qui est lié au département d'État américain. C'est un agent de la CIA, on va faire court. Et qui régulièrement, justement, est invité aux États-Unis, à Washington, ça, dans partout les groupes de réflexion proches des démocrates et autres, et qui vendent toute cette soupe transgenre, etc. En fait, qui est une arme de guerre pour détruire les sociétés et les soumettre. Et elle intervient. Et son job, à la fois sur le mariage homosexuel aussi et les trucs transgenres et à l'éducation nationale, c'est vraiment de mettre au pas, voilà, conformément à ce qui avait été décidé par tous ces groupes de réflexion. Hein, je veux dire, faut le sur YouTube, c'est disponible si vous voulez chercher. Regardez Najat Vallaud-Belkacem, féminisme, etc., transgenre, vous trouverez tout ce que vous voulez. Qui veut parler de Najat? Moi, je veux bien, à défaut d'être compétente, donc elle est bien puissante, on peut dire ça, parce que quand tu regardes son parcours, on lui a quand même plutôt facilité la vie. Là, qu'elle soit dans les 10 femmes les plus puissantes, ça ne m'étonne pas. Elle a été élue Lyonnaise de l'année en 2007, en même temps que Karim Benzema. 2012, révélation politique de l'année avec l'annuaire politique Trombinoscope. Tu rajoutes ce que tu viens de dire, Gandalf, sur effectivement lié au département américain, etc. On n'est pas du tout étonné. Quand tu regardes tout son parcours, bah, électoralement, elle n'a pas fait grand-chose. Par contre, elle a été nommée très rapidement à plein de postes clés. Elle a quand même été ministre, si je ne me trompe pas, des droits de la femme, de la ville, de jeunesse et des sports, et maintenant éducation nationale, où tu sembles, tu as l'impression, nous, on pense qu'elle ne va pas bouger. Hein. Tu as même l'impression que dans un prochain gouvernement, elle pourrait rester. Bah oui, oui, elle est parmi les femmes les plus puissantes. Ouais, ouais, malheureusement. Penses-tu qu'il y ait une promotion canapé là-dessous? Pas forcément, d'ailleurs. Oui, on peut penser ça au premier abord, mais je pense pas que ça soit la chose la plus... Elle est beaucoup plus maligne que ça, là, peut-être pas... Et on l'utilise, non, il n'y a même pas besoin de ça. Peut-être, mais à la limite, je m'en fous, quoi. Quand je vois son parcours, ça me fait juste... Il y en a, hein, Rachida Dati, mal. Dans le genre beurette de service. Oui, ben voilà, c'est la même, c'est la même à gauche, à droite et à gauche, voilà. Mais par contre, ils recrutent souvent chez les filles de Harki. Hein. Ils font gaffe, hein. C'est-à-dire qu'ils choisissent quand même, tu vois. Oui, ben elle, elle est quoi? C'est là qu'on voit le théâtre, quoi. C'est comme l'autre, là, celle qui était soi-disant la nénette du mec de Charlie Hebdo, la Charb. Comment elle s'appelle, celle-là? Mougrab. Janet Mougrab. Les filles de Harki, c'est plutôt à droite. Hein. Là, à gauche, Najat, c'est une Marocaine. Hein. Marocaine, ouais, algérienne, espagnole. C'est une vraie. Voilà, elle, c'est une vraie teigne. Ouais, ouais, pas de problème. Eric, elle était représentante. Attends, juste, elle était représentante dans une assemblée donc, pour représenter les Marocains en France. Voilà, donc, c'était un truc qui était géré directement par le Maroc. Ouais, c'est ouais. Vraiment, voilà, elle est de là-bas, quoi. Elle a bénéficié du regroupement familial en 82, quand elle avait quel âge? Elle devait avoir 8 ans. Non, tu vois. Voilà, regroupement familial, ouais. Où elle a rejoint son père avec ses 7 autres frères et sœurs. Voilà, pour les Bahamiens. Oh là là là. Ce qui montre que la France est un pays d'idées. Hein. Il n'y a pas besoin d'être français depuis 1000 ans. On peut être comme Manuel Valls, naturalisé, Najat Vallaud-Belkacem. Et puis on peut exercer toutes les compétences du monde dans un ministère, dans le domaine de la communication, de l'éducation, du droit des femmes, de la promotion de l'homosexualité, du mariage homo. On peut tout faire. Hein. Là, il y avait Tobouana aussi. Hein. Ouais, elle a réussi à être ministre de tout, hein, de rien et donc à porter une réforme si impopulaire que les gauchistes de l'éducation nationale l'ont même refusé, ce qui empêche pas son application, mais impopulaire parmi les profs pour un gouvernement de gauche, c'est quand même épatant. Et oui, c'est la première fois à ce niveau, à ce point-là, oui, effectivement, parce qu'elle est très impopulaire. C'est pour ça, quand j'entends qu'elle est aimée des Français, j'ai du mal à le croire, puisque même chez les profs, elle est détestée. Ceux qui ont dit qu'elle était aimée des Français, c'était la publication marocaine. Alors bon, voilà. Hein. Oui, oui, d'accord. Et voilà. De même qu'il y avait une bonne remarque que tu faisais, Mathilde, c'est qu'elle ne s'est jamais présentée devant les électeurs. De même que Vincent Payon, d'ailleurs. Oui, elle s'est présentée, mais elle a échoué. Une première fois, elle a fini par être élue conseillère régionale, mais comme toi, tu pourrais être élue si tu es avec l'étiquette d'un gros parti. Donc, aucun mérite quoi, à ce niveau-là. Non, non, elle a eu un tapis rouge du début à la fin, et on sait pourquoi. Voilà. Voilà, Vincent Payon, c'est la même chose. Et ces gens-là sont dans le collège pour tous, le mariage pour tous, toute cette bouillie informe dénuée de repères et de sens. Par contre, leurs enfants, en général, sont dans des écoles très réputées, assez catholiques en général, ou en tout cas soumises à une forte discipline et à un certain élitisme qui ne règne pas du tout dans la structure générale qu'ils promeuvent. Exactement. Je crois pas que les enfants de Vincent Payon, Vincent Payou, soient dans une école catholique. Hein, mais... Tu veux parler de Rachel, de Salomé et puis de Benjamin ou de Shlomo, je sais plus. C'est possible, c'est possible. Et il y avait la bar mitzvah, tout. Hein. Donc c'est quand même très, c'est très marrant parce que quand on parle de Payon, c'est quelqu'un qui s'était vanté. Enfin, c'est quelqu'un, vous savez, il posait, il se voulait au début du mandat de Hollande comme une espèce de résurrection de Jules Ferry et tout, en mode laïcard combatif et tout. Et en fait, dans une publication assez marginale, il avait indiqué en fait que ses enfants, il les avait poussés vers la conversion au judaïsme et à faire leur bar mitzvah, etc. Enfin, on était dans la duplicité totale. Et bon, enfin, on sait très bien à qui on a affaire. Alors, le point numéro 3 de notre rubrique. Sans transition. Alors là, c'est un client dont on a parlé il y a 2 semaines. C'est Dominique Sopo, de SOS Racisme. Alors, je crois qu'il va avoir son rond de serviette chez nous, lui, parce que il est bon, hein, il est bon, hein, je vous cite tout de suite. Alors, voilà. L'islamisme est d'extrême droite. Voilà, nouveau concept. La citation en entier. L'islamisme est d'extrême droite parce que des gens qui sont contre la démocratie, contre la liberté des mœurs, on en parlait, contre les juifs, contre l'Occident, c'est quoi sinon l'extrême droite? Voilà. Donc, vous savez que de temps en temps, j'ai tendance à me plaindre du fait qu'on définit jamais l'extrême droite. Là, Dominique Sopo tente une définition. La définition de l'extrême droite, pour lui, c'est tout ce qui serait contre la démocratie, contre la liberté des mœurs, contre les juifs, contre l'Occident. Donc, l'Occident, ça veut dire que c'est tout ce qui est pour les juifs, pour la liberté des mœurs et pour la démocratie. Bon, ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Alors, Sopo est un métis de Togolais. Donc visiblement l'Occident auquel s'identifie, bah c'est un Occident togolais quoi, moitié togolais. Alors Fulbert, c'est un sujet pour toi ça. Alors l'islamisme est d'extrême droite. Ça t'inspire quoi ça, une sortie pareille? Ça m'inspire rien du tout déjà. Soporifique, franchement, non ça m'inspire rien du tout. Hein. Ben moi j'ai envie de dire si l'islamisme est d'extrême si l'islamisme est d'extrême droite, c'est-à-dire que l'extrême droite est musulmane. Ils passent leur temps à nous reprocher à ce qu'ils appellent l'extrême droite, à tous ceux qui sont pas satisfaits de la société multiculturelle, justement de refuser l'islam. Alors faut savoir ce qu'on veut, soit on est de la même famille, soit on n'est pas de la même famille. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des catégories qui veulent rien, c'est qui tiennent pas debout quoi. Ben avant même de parler de l'idéologie, il faut voir qu'il y a une stratégie ici qui est assez évidente, là, c'est qu'ils veulent réunir l'extrême droite réelle et l'islam ensemble pour pouvoir se battre contre ça. C'est-à-dire qu'ils ont de la difficulté à faire passer l'idée de censurer l'idéologie politique de l'extrême droite parce que, bon, ça va à l'encontre de nos notions de liberté de parole. En tout cas, en Amérique du Nord, là, je sais qu'en France, c'est pas aussi poussé, mais même à ça... Il y a quand même une notion que c'est sombre et inquiétant l'idée de censurer tout le monde qui ont une opinion politique différente. Donc, en réunissant l'islam extrémiste ou même l'islam en général et l'extrême droite, ils disent « Ah ben, vous voyez, il y a tous ces extrémistes de droite qui font des attentats terroristes, donc ça nous justifie à tout censurer en bloc. » Donc, pour eux, pour les gauchistes qui veulent détruire la droite, c'est très bénéfique pour eux de nous associer les deux ensemble. Ça, d'après moi, c'est une stratégie. Ah oui. Oui, ça c'est évident. Ça c'est, oui, c'est bien non, observé, c'est juste. Ce qui est défini comme extrême droite par la gauchiasse, c'est simplement les forces, les dynamiques qui refusent la situation actuelle. Alors que ce soit les blancs, nous quoi, en gros, qui refusons de nous faire submerger par des nègres et des boukaks. Ou que ce soit les islamistes qui, eux, refusent de vivre parmi les koufars et compagnie. Bon, peu importe, ils refusent de manger du cochon, enfin, voilà. Ils ont un projet de société qui est différent. Donc, dès que tu diffères ben, tu es méchant, donc tu es d'extrême droite. Oui, ben, pour eux, l'extrême droite, c'est juste tous ceux qui ont des principes, parce qu'eux en ont pas. Pour eux, l'objectif de la vie, c'est d'avoir du plaisir, d'acheter plus de trucs, d'améliorer les conditions matérielles. Donc, n'importe qui a des vrais principes, on veut spirituels ou non, qui sont pas basés immédiatement sur la satisfaction sensorielle, ben, tout ça, c'est de l'extrême droite pour eux. Donc, évidemment, c'est une très large famille. Moi, j'ai envie de faire remarquer sur l'histoire de... Parce qu'il dit le rapport aux Juifs. Moi, si je regarde concrètement vers les 30 dernières années, les vrais activistes qui s'en sont pris aux Juifs sont des activistes d'extrême-gauche ou des musulmans, effectivement. Mais l'extrême-gauche, notamment anti-sioniste, anti-israélienne, c'est celle qui a soutenu des groupes armés arabes, à l'époque plutôt d'ailleurs se situant dans le panarabisme notamment. Et ce sont des gens de gauche, enfin qui ont une idée de gauche ou d'extrême-gauche, marxiste, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'extrême-droite. En fait, l'extrême-droite, autant qu'on puisse en juger sur les 30-40 dernières années, n'a pratiquement pas, ne s'en est pratiquement jamais pris physiquement à des juifs en tant que tel. C'est tout à fait épisodique. En revanche, l'extrême-gauche, je crois au nom de la lutte contre l'État d'Israël, pas de problème, ils ont apporté leur soutien logistique dans plein d'attentats, notamment en France. Voilà, et donc c'est pour ça on voit que ça penche toujours d'un côté, quoi. Et c'est une lecture qui est vraiment très malhonnête. J'ai bien aimé ce que tu as dit aussi, Zeiger, sur le fait qu'il y a l'histoire des principes, effectivement, ça me paraît juste. Mais il y a aussi l'antisémitisme de gauche est très différent. C'est-à-dire que pour eux, les antisémites de gauche sont pas vraiment antisémites. C'est-à-dire qu'ils ils disent que, ah ben dans le fond, les Israéliens, c'est des Blancs, des Européens. Et ils sont contre eux parce qu'ils oppriment les pauvres petits Arabes. Donc essentiellement, c'est la notion marxiste de la suprématie des non-blancs. Et vu qu'ils ont avalé complètement le mensonge que les Juifs, c'était des Blancs européens comme nous, ben, ils disent « Ah ben, d'après nos principes marxistes, ça veut dire qu'il faut être contre Israël. » Donc, et voilà. Et jusqu'à présent, on avait ce privilège d'avoir de l'extrême droite européenne, française, israélienne aussi. On entend des gens parler d'extrême droite israélienne en parlant de Sharon Nazi, hein. Sharon Nazi, Netanyahu. Voilà, c'est ça. Donc là, s'il y avait un privilège, un apanage, et ben maintenant, non, c'est terminé. Donc, mais quelque part, c'est un peu plus cohérent. Alors, le fait que ce soit une stratégie d'accord, le fait qu'elle soit gagnante, j'en suis pas persuadé, parce que là, on voit bien que ceux qui sont violents, ceux qui sont radicaux ou extrémistes selon leurs critères, à eux, ils sont en fait c'est plus cohérent de dire que effectivement les terroristes ou les gens qui tuent sont d'extrême droite, c'est plus logique. Mais d'un autre côté, c'est absurde puisque dans ce cas-là, il faudrait dire après qu'il y a une extrême droite asiatique, puisque bon, dans les sociétés asiatiques, le travail est important, la rigueur, la discipline. Donc d'après les gauchistes, ce sont des principes d'extrême droite. Donc il faudrait aussi considérer que c'est l'extrême droite. Donc c'est encore plus absurde. Et ça va être difficile de dire que Florent Philippot est d'extrême droite en même temps que des terroristes musulmans sont d'extrême droite. On va voir que là, c'est complètement absurde et que les gauchistes se contredisent encore une fois. Bah oui, non. Et puis surtout, en réalité, l'islamisme a beaucoup plus de liens avec le communisme, enfin, si on fait des comparaisons, avec ce qu'on appelle l'extrême, qui est jamais clairement défini parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. On parle quoi de l'extrême droite monarchique française, on parle du national-socialisme, de quoi on parle, quoi. On parle de Franco, Nicolas Sarkozy. On ne sait même pas de quoi on parle. Mais si on pouvait faire la comparaison entre deux idolés, moi je trouve que ça ressemble beaucoup plus au communisme parce qu'il y a la même dimension internationaliste. La même idée de comment dirais-je d'une entité qui est une entité totale. Voilà, comment l'individu disparaît complètement dans une structure unique. Voilà, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus de points en commun avec le communisme qu'avec ce qu'il appelle l'extrême droite. Le stalinisme, plus précisément. Hein, ouais. Pour le rapport, justement, à nos amis. Nos amis. Pour leur rapport, et c'est intéressant de voir aussi que le stalinisme, s'il serait proposé aujourd'hui, il serait considéré comme de l'extrême droite également. Il faut bien le savoir. Bah, ils savent s'arranger avec ça, parce que, comme ils disent, la fin justifie les moyens. Alors, si la finalité qui est présentée est moralement désirable, sur les moyens, on peut s'entendre, tu vois. C'est toujours comme ça avec eux. C'est des gens qui sont c'est des hypocrites. Enfin, ces gens de gauche sont des hypocrites absolus. Alors, voilà pour ce troisième et dernier point de notre rubrique autisme radical. Alors, avant de faire une pause musicale précédant notre deuxième partie d'émission, notre rubrique numéro 2 que j'ai intitulée « L'écho des savanes ». Ça va parler football, là. Hein. C'est l'affaire Aurier. Vous en avez entendu parler de l'affaire Aurier un petit peu? Ça a quand même un petit peu défrayé la chronique là, au niveau football en France là. C'est un footballeur nègre du Paris Saint-Germain, de nationalité ivoirienne, je crois, qui a tabassé un policier à la sortie de boîte de nuit. Donc, voilà. Qui a été condamné à de la prison ferme, je ne sais plus comment combiner, c'est assez ridicule quand même. Hein, pour tabasser un flic, deux mois qu'il ne va pas faire parce qu'il fait appel. Et voilà, bon, c'est. Si tu. Enfin, nous, en disant ne serait-ce que le mot nègre. Sur notre modeste émission, on risque plus que ça. Donc, bon, c'est vive la France. Ah bah là, nous, on risque déjà. Ça dépend où, mais en Guyane, là, enfin, au tribunal de Guyane, là, c'est clair qu'on prend 10 ans ferme, hein, c'est sûr. Il y a eu quand même le précédent, hein, comme ouais, on dit. Oui, Anne-Sophie Leclerc, effectivement. Anne-Sophie Leclerc, voilà. Bon, hein, on connaît. Alors pourquoi l'affaire Aurier? Bah, ça a créé un début de polémique parce qu'il y a tout de suite eu, parce que. Comme l'a fait observer, comment dirais-je, un animateur de radio que vous connaissez peut-être, les nègres ont une très forte conscience raciale et un très fort tribalisme. Et on a vu toute une kyrielle de sportifs venir le soutenir, etc., en parlant évidemment de racisme, de discrimination, de peines disproportionnées, etc. Ça a commencé. Alors parce que c'est très suivi. Les gens peuvent se demander pourquoi parler football. Parce que la jeunesse suit énormément ça. C'est vrai, c'est une réalité. Il y a peut-être un des seuls canards qui n'est pas en train de piquer du nez, c'est un journal comme l'Équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de jeunes qui lisent ça, hein, ou qui écoutent la radio pour écouter les news du football. Et l'affaire Aurier, bah, c'est symbolique parce qu'il y a un enjeu politique. Alors bon, on a parlé de ces. Oui, bon, enfin lui, on s'en fout d'Aurier de toute façon. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des prises de position, comme je l'ai dit. Et alors là, qui s'est distingué? Nicolas Anelka. Anelka, voilà, oui. Ah bah oui, évidemment, celui-là, il ne pouvait pas rater le truc. Alors, je le cite. Hein. Mais là, vous allez voir, parce que tout y est. Serge, donc Aurier, hein, Serge, je suis avec toi à 200%, écrit-il sur son réseau social. Donc, je cite une coupure de presse. Hein. On soutient les vrais ici, les indésirables, les interdits de plateau. Exemple, là il cite Kémy Séba, Dieudonné ou Tariq Ramadan, eux qui disent la vérité et non pas les magiciens qui pratiquent devant les caméras pour défendre la cause noire et qui aiment tellement la France qu'ils ont même oublié le rôle de la France au Mali, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, aux Antilles ou encore en Algérie. Donc là il vise Thuram, hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, il vise Lilian Thuram, le Malcolm X de supermarché, là, celui qui vend des bouquins tout en étant exilé, je crois qu'il est exilé fiscal aussi celui-là, non? Si ma mémoire est juste. Lequel? Alors, Thuram ou Anelka? Thuram. Je sais pas. Enfin, Anelka, je sais qu'il joue. Je crois qu'il joue en Chine. Il finit sa carrière là-bas. Il fait une petite retraite dorée. Voilà. Juste pour revenir sur Aurier, pour situer un peu le personnage, l'année dernière, il s'était fait remarquer suite à un passage sur Periscope où il avait parlé de son entraîneur d'alors qui était Laurent Blanc, hein, ancien champion du monde de 98. Et qui il avait dit donc à propos de Zlatan Ibrahimovic qui était le joueur phare du club, il a dit que Laurent Blanc il suce Zlatan et lui prend tout cousin, voilà. Ça avait fait assez polémique. Pourquoi à l'époque. Pourquoi? Oui, pourquoi? Non, parce que Zlatan était Zlatan Ibrahimovic, hein, était donc le meilleur joueur. Il avait dit que son entraîneur suçait ce joueur. Voilà, c'est un petit peu le champ lexical du nègre Aurier. Et alors, pourquoi ça le faisait rager, ça? Parce que qu'est-ce qui le dérangeait ça l'est pas rager, il sortait ça comme ça, il était sur Periscope en train de fumer la chicha avec un autre nègre. Et voilà, c'est chimp out, quoi. Alors, pour revenir à notre ami Anelka, parce que ça déclenche des réactions, les références, Kémy Séba, Dieudonné, Tariq Ramadan. Voilà, ça c'est les maudits, hein, apparemment, hein, dans le. Les indésirables. Ouais, ils sont indésirables. C'est ça qu'il y a une certaine connotation raciale, n'est-ce pas? Raciale, ouais, islamique. Raciale. Ouais, oui. Ouais. Ouais. Alors Dieudonné, du coup, Dieudonné, je pense qu'il va bientôt, il va pas tarder à faire une pause. Quenel avec Anelka, ça va pas tarder, ça. Bah, Dieudonné, voilà, on a vu hein, déjà depuis ça. Sa dernière sortie là sur le prétendu martyr Traoré là s'était fait étouffer par des policiers. Ah oui. Parce qu'il tentait de fuir. Bon, bah ouais, la police est raciste en France, on le sait, etc. Bon, voilà, il se place, voilà, il se positionne par rapport à sa clientèle, voilà, qui est ce qu'elle est, quoi, c'est-à-dire des Arabes et des Nègres. Et vous avez vu d'ailleurs que ce comment dirais-je, Dieudonné là, vous avez vu comment enfin c'est extraordinaire, l'histoire du 1 million d'euros promis à la Palestine qui se transforme en 1 million de francs CFA, c'est-à-dire 1500 euros. Ah non, j'ai pas vu. Hein. Si, si, il avait dit, tu sais, il y a un an, un truc comme ça, avec son truc chaud ananas, là, son assurance vie, là, je sais pas quoi. Il dit, oui, je donnerai 1 million d'euros pour la cause palestinienne, tu sais, pour les pouilleux de palestiniens, là. Oui, machin, etc. Et bon, formidable. Un an après, tu vois, il fait son truc dans son émission bidon, là, qu'il a créé. Alors, il fait venir un connard de blanc qui n'a rien à foutre dans la vie que de foutre des pansements à des bougnoules, quoi. C'est-à-dire, un trou du cul, là. Des pro-palestiniens. Et le bonhomme, bon, il est à côté, tu vois, il attend le chèque et tout. Alors, t'as de lui donner, il fait son numéro. Je signe un chèque, comme je l'avais dit, et tout, de 1 million de francs CFA. Putain, t'as le mec qui tique à côté, tu sais. Il regarde, hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Il dit, bah oui, parce que moi, maintenant, je vis au Cameroun, alors voilà, maintenant, j'ai la monnaie. Ouais. Enfin, il te fait une petite phrase comme ça. L'escroc total, et parce que c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tous ces nègres-là qui vous grandent leur bouche en mode solidarité raciale, en fait, ils s'exploitent comme des chiens. Hein. Ils sont, il n'y a pas pire chien entre eux. Hein. C'est que du théâtre. Hein. L'occasion de rappeler que s'il y a eu la traite transatlantique ou même la traite des Arabes envers les Noirs, hein, pour ce qui concerne l'esclavage, s'il y en a qui ont acheté des esclaves, c'est qu'il en a bien fallu que certains les vendent. Suivez mon regard. Oui, puis il y a quand même que dans le monde occidental où un nègre peut être une star de cinéma, peut faire de la musique, peut être un sportif, parce que dans le monde arabe, les mecs, ça se passe un peu moins bien. Et pourtant, il y a 50 ou 55 pays musulmans sur Terre. Hein. Donc, oh, les creuser. Arabes, ils détestent les Noirs hein, complètement. Hein. Ah ouais, par contre, quand il s'agit de nous haïr, ils sont toujours d'accord de faire la paix entre eux. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. L'ennemi, on est l'ennemi commun. Bah ouais, mais ils complexent de trop, les mecs. Bon, bah voilà. Et Gandalf, pour terminer sur Anelga, quand tu as vu ce qu'il dit, quand il dit « Vous avez perdu la tête en France, le burkini pour protéger son corps et respecter la femme oui. ?» Non, hein. Mais nudiste dans Paris, oui. Et moi, j'y ai pensé direct quand j'ai entendu parler de ce camp naturiste à Paris. Je me suis dit « Le monde musulman, là, ça va être chaud, là. » D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie de Paris, bon, c'est pas trop mon jardin, on va dire. Le camp naturiste là qu'ils veulent faire, est-ce que ça serait pas par hasard à côté du camp de migrants aussi qui est prévu Est-ce que ça serait marrant quoi d'avoir les deux qui d'une pierre deux coups. Paris a tendance à devenir un gigantesque camp de migrants quand même. Hein. Oui, non, mais avec des nudistes au milieu. Bah, ça peut être rigolo, quoi. Ça peut être. Ça peut être rigolo, ça pourrait éviter à des humanitaires de se forcer à avoir des relations, quoi, sexuelles avec les pauvres migrants, tu vois. Du coup, ça peut être sympa pour elles. Ça leur permettrait de se reposer un petit peu, quoi, de prendre du souffle. Non, mais ça, c'est. On voit là, pour le coup, c'est intéressant cette histoire, parce que là, on voit toute la folie. De cette gauche régressive, en fait, qui ne voit aucune contradiction. À, en fait, soutenir, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission, justement, à soutenir par des biais détournés, par un clientélisme ignoble, les pires salafistes, les pires barbus que tu puisses trouver dans toutes les banlieues, etc. Et de l'autre côté, prétendre transgresser les normes, etc. Et alors, vas-y que je te, les mecs à poil dans Paris, gay pride pour tout le monde. Et au bout d'un moment, enfin, je veux dire, faut être complètement débile pour pas voir le truc arriver. C'est-à-dire que entre les barbus d'un côté, comment dire, et les homosexuels exhibitionnistes de l'autre, va falloir choisir son camp. Et la pauvre Hidalgo, je sais qu'elle est pas très maligne, mais va falloir. Enfin, de toute façon, si elle le choisit pas, il y a des gens qui vont le choisir pour elle. Hein. Donc bon. Ouais, de ce côté-là, c'est à cette contradiction-là. C'est à cette contradiction-là qu'on voit le principe ultime de la gauche, qui est la destruction des peuples européens. Parce que si on le voit de cet angle-là, il n'y a plus de contradiction. C'est comme, d'un côté, il y a les musulmans qui nous remplacent, et de l'autre côté, on crée des politiques qui démoralisent, puis qui réduisent le taux de natalité, tout ça. Ça fait du sens parfaitement. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les mecs, ils t'expliquent, là, comment dirais-je, enfin, ils mettent en place des politiques ultra-libérales en matière d'avortement. Et après, les mecs, ils disent, on a un problème de natalité, il faut faire venir des négros, quoi. Bon. Ouais, bon. Là aussi, il y aurait quelque chose à proposer. Bon, on va se faire une petite pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission, deuxième partie thématique, où on va parler alors là, de l'émission qui a fait, alors là, polémique en France, hein, dossier tabou, hein, relatif en fait à la collusion totale des maires socialo-communistes et autres écolo-marxistes avec en fait cette immigration infecte provenant du tiers-monde musulman, soutenant les islamistes, etc. On va rentrer dans le détail. Alors, ça a fait beaucoup parler, ça vaut le coup. Et puis, on va parler avec Zeiger, on va parler de ce qui se passe au Québec, et puis on va parler aussi de l'Amérique du Nord, et on va parler de cette ébullition préélectorale, puisque c'est bientôt les élections présidentielles aux États-Unis, c'est en novembre. On se retrouve tout de suite. Je me souviens, on avait des projets d'ouverture pour les hommes comme la culture. Faire tomber les barrières, les murs, le racisme à la vie dure. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos sœurs au pouvoir des beurs. Yassine, Moussa. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça, changer le monde, la société, avec la diversité, changer la France et son destin, avec des clandestins. Je me souviens, on avait des héros, des passions, et des pépites de la nation. Qui prenait tout souriant nos emplois sous les acclamations. Et l'odeur, imagine donc l'odeur. Le bruit, la puanteur, la violence et la peur. Mais demain c'est pareil, le même désir veille là dans tous ces quartiers. La France a déserté. Changer les âmes, changer les cœurs, avec des noirs et des beurs. En Occitan, venir chez les blancs, grâce à des mariages blancs. Ah, sur la terre, il y a des choses à faire, pour les Africains et pour les Maghrébins. Oh, tant de choses à faire, moi pour faire ma repentance. Je colore la France. Tu verras qu'on aura des foulards, des burkas. Et que voici les djihadistes là-bas. Et que même si le racisme est partout, on en viendra tous à bout. Pour les couleurs, pour un monde sans frontières. Changer la France d'hier, c'est notre prière. Tu verras. Tu verras le pouvoir des beurs. Moi je mange plus de jambon beurre. Changer les âmes, changer les cœurs, avec des noirs et des beurs. Changer le monde, aider ces gens, leur donner plus d'argent. Changer le monde, la société, avec la diversité, changer la France et son destin, avec des clandestins. Changer les âmes, changer les cœurs, avec des noirs et des beurs. En Occident, venir chez les blancs, grâce à des mariages blancs. Deuxième partie de notre émission Démocratie participative, épisode numéro 15. Et alors ça va se découpler en deux sous-parties. Premièrement, on va parler de cette émission qui a fait beaucoup de bruit en France. Hein. Reportage du journaliste de La Villardière. On va y revenir. Qui s'appelle, la collection de ce type de reportage s'appelle Dossier Tabou. Donc qui donc prétend éclairer des choses interdites au grand public en temps normal et faire la lumière sur certaines choses que les gens ne sont pas censés voir. Et cette semaine, ça a concerné l'islamisme et plus exactement les rapports troubles hein, entre certaines municipalités, entre le pouvoir politique et l'islam radical, l'immigration musulmane et ses conséquences. Hein. Alors, Derek, toi, tu as regardé cette émission avec attention. Qu'est-ce qui t'a frappé ? Pourquoi cette émission sort du lot ? Et pourquoi elle a déclenché une telle bronca d'ailleurs de la part des médias officiels quoi. Alors tu as mis l'accent sur le rapport entre les municipalités et l'islamisme. C'est une partie si tu veux du problème enfin de ce qui est traité dans l'émission. Par contre, c'est pas le tout. Quoi. En gros le sujet enfin si tu veux résumer la trame de l'émission, c'est-à-dire que tu as un type lambda qui va regarder un petit peu c'est quoi l'islam en France. Et donc en mode, voilà, ils sont comme nous, voilà, plus ou moins, à part que c'est des quelques petites variantes culturelles. Et puis ils se rendent compte qu'au final, c'est assez particulier, quoi. Hein, tout ce qui est double discours. Voilà, on va développer ça hein, dans le. Alors le journaliste c'est De La Villardière. Alors lui il était plutôt connu pour être un mec qui au contraire faisait dans la langue de bois et dans la désinformation. C'est quand même quelqu'un qui expliquait que tout allait bien. Enfin il y a encore 2 ans il disait tout va bien. Attention, démagogie, machin et. Bah écoute, je sais pas peut-être. Hein. C'est quand même donc oui effectivement c'est quelqu'un du. On va dire du sérail, quoi. Il était à zone interdite, il avait enquête exclusive avant. Enfin, ça fait 20 ans qu'il officie sur M6, quoi. Et peut-être qu'il a, à force de vivre en région parisienne, il a dû peut-être côtoyer les joies de la diversité, je sais pas. En tout cas, peut-être pas lui directement, mais au niveau de sa famille, sûrement. Hein. Il a dû avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais, alors, qu'est-ce que. Alors, en plus des relations, du clientélisme. Racial, ethnique, religieux entretenu par les socialo-communistes et autres gauchistes, hein, on n'est pas avec ces gens-là, et probablement d'ailleurs des maires dits de droite, enfin vous savez, les conservateurs, ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il aborde en plus de ça ? Qu'est-ce qu'il montre qui est frappant, par exemple ? On va revenir hein, sur le passage avec le maire écolo-gauchiste de Sevran en 93, mais. Bah déjà. Qu'il y a... Ouais, déjà là, comment dire. L'hypocrisie des musulmans dits modérés, hein, qui portent soit pas le voile, soit le voile simple, par rapport aux personnes qui portent le voile intégral, on voit que les yeux. Ils sont là, voilà, on est comme vous, on est comme vous, pour au final te faire bouffer du voile intégral, en veux-tu, en voilà. Et même si les personnes qui portent le voile intégral violent la loi, pour eux, ça les dérange pas. C'est nous qui dérangeons oui. À leur faire remarquer que ne pas montrer sa face dans l'espace public, c'est de une illégal, de deux très mal poli. Y a un sondage qui est sorti d'ailleurs il y a même pas 2 semaines là, qui faisait un peu le point sur la situation avec les musulmans en France. On avait, je crois, c'était pratiquement 80% des musulmans qui étaient pour le droit des femmes à porter le voile tout court. Donc en fait, déjà tous les musulmans soutiennent le port du voile. C'était, je crois, 60 et quelques pourcents, 65%, quelque chose de cet ordre, pour le droit des filles à porter le voile dans les établissements scolaires. Et on avait, je crois, aux alentours de pratiquement un quart, je crois, 25%, qui soutenaient carrément l'application de la charia, quoi. Donc la charia, on sait ce que ça veut dire. Donc effectivement, en termes de duplicité, de double discours, de toute façon, ça, si tu veux, c'est la duplicité, on va dire, au sein de la sphère musulmane, tout ce qui est UOIF, frères musulmans, hein, on connaît un petit peu le réseau. Après, tu as aussi on en avait parlé dans, je sais pas si l'émission d'avant ou il y a 2 émissions, où il y avait eu la femme voilée intégralement à Nice, hein, la vidéo. Avec cette. Et sauf on avait que parlé... c'était une convertie. Avec le sale bougnoule de Nekas derrière. Et ben voilà. En train de tirer les ficelles. Et ben justement, là, le début de l'émission, c'était ça. C'était Rachid Nekas à Marseille. qui venait donner les sous, l'enveloppe de billets à une convertie, alors accroche-toi, hein, une jeune convertie bretonne avec des yeux bleus qui portait le voile intégral qu'on voyait que ses yeux. Voilà. Et tu le voyais qui arrivait. Mais quelle race de souteneur. Voilà. Putain, donc tu le voyais donner l'enveloppe de billets, puis l'autre elle allait c'était au centre des impôts avec son voile intégral payer l'amende. Ah là. Mais provoqué. Alors sans qu'on la réinterpelle quoi, hein, c'était normal. Voilà, et donc je crois qu'elle avait 19 ans, et puis elle te disait, oui, ben moi, si on me demande d'enlever ça, c'est comme ma seconde peau. Enfin, ben voilà, donc il y avait tout ça, cette duplicité de cet Algérien de merde, qui nous force à. Mais ça, c'est des provocations. Là, tu vois derrière, déjà, parce qu'on parlait des porteurs de valises, bon, maintenant, les valises, elles vont dans l'autre sens. Hein. Et là, on voit l'argent où il arrive, on voit à quoi ça sert, c'est de la provocation, évidemment. C'est ça le bougnoule, ne peut pas s'en empêcher. D'accord. Non, mais c'est intéressant de voir un peu dans les grandes lignes ce que c'est cette émission. Attends, juste ouais. Excuse-moi. Hein. Il faut voir que ça a touché du monde, quoi. J'ai vu les statistiques là d'Audimat, ça a touché plus de 2 millions de personnes. Alors, dedans, en plus, il y avait eu des petits extraits comme on a l'habitude de voir, nous, un petit peu sur Internet. C'est-à-dire à l'époque, en Égypte, hein, où tu avais Nasser qui disait, mais attends. Les frères musulmans, ils m'ont dit, là, il faut que tu obliges à voiler tes femmes. Et là, ils répondaient, et tout le monde dans la salle se mettait à rigoler, tu vois. Le genre de petites vidéos qu'on a l'habitude de voir, nous, dans notre milieu, ben, la personne lambda ne connaît pas forcément. Donc, ces vidéos-là, ouais. Ou alors Bourguiba en Tunisie qui dévoile les femmes. Et donc, quand tu fais le contraste avec ce que c'est maintenant la Tunisie ou l'Égypte, d'ailleurs, surtout ces deux pays-là qui ont été dirigés récemment hein, par les. Succursale des frères musulmans, hein. Ça fait un contraste qui choque un petit peu. Et dernier truc, dernière anecdote et je m'arrête, c'est quand Bernard de la Villardière va faire un repas chez une humoriste musulmane qui porte le voile, tu sais, qui fait des sketchs sur le voile et compagnie pour dédramatiser, etc. Alors en aparté, les musulmans n'ont pas d'humour. Hein. Voilà, oui, non, mais exactement. Donc elle va dans la dîner de famille, donc couscous, etc. Voilà, ambiance, tout le monde porte le voile, sauf une des sœurs, mais qui dit qu'elle va bientôt le porter. Et donc tu as cette humoriste entre guillemets. Qui explique que quand sa mère elle est arrivée en France, elle portait pas le voile pour s'intégrer et compagnie, mais que 20 ans après, bon, quand ils ont vu qu'ils étaient là, qu'ils étaient bien chez eux, ils sont mis à porter le voile, et que elle, comme elle maintenant, elle est née du coup en France et ses sœurs aussi, ben maintenant la France, les enfants de la France sont différents. Donc il faut qu'on tolère ça. C'est-à-dire que les mecs sont arrivés, ils se sont fait petits pour pas se faire foutre dehors. Donc ils font caca partout. Et maintenant, comme ils font caca partout, mais qu'ils sont nés là, ben, ça fait partie de la France et la France plurielle. Tu vois un petit peu, les mecs te disent en gros, on vous a infiltré, c'est comme ça, allez vous faire enculer. Et alors ils te disent ça avec le sourire, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Bah, c'est là qu'intervient l'humour arabe. Voilà, c'est une forme d'humour, effectivement, qui est assez particulière, oui. Voilà, c'est-à-dire que j'étais enculé, et ça me fait bien rire, voilà. Ouais. Ça, l'humour arabe, oui, à ce moment-là, je le comprends, ouais. Est-ce que Mais quelqu'un... ce qu'il faut se rappeler, ouais. C'est le concept arabe, le concept musulman de la taqiya. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais ils ont cette obligation religieuse, ce concept qu'il faut tromper les koufars pour s'assurer du succès de l'invasion islamique. Donc... Quand on voit les prêtres islamiques aller à la télévision et dire « Oh non, nous, on est très tolérants pour les droits des femmes et tout ça, et c'est un mensonge que l'islam est radical et tout ça », il faut toujours se rappeler que pour eux, ils ont une obligation religieuse de mentir aux infidèles comme nous pour favoriser leur domination de la société. Dans le fond, c'est un peu le même principe que les juifs, là, mais... C'est plus antisémitique, j'ai envie de dire. Alors là, comment dire, la taqiya en particulier, c'est plutôt pour le monde chiite, mais dans le principe, ça existe de fait hein, chez les frères musulmans. D'ailleurs, tu avais des anciens frères musulmans qui témoignaient de cérémonies d'intronisation, etc., où ils appelaient les boukaks, hein, qui sont présents en France, des natifs en France, ou quelque chose comme ça. Enfin, ils ont une expression particulière. voilà, pour en gros, c'est les pions, quoi. C'est les pions qui sont destinés à pulluler. C'est assez marrant, quoi. Ah, Et là, effectivement, c'est... tout le truc de taquilla, enfin le principe, hein, parce que le terme n'est pas, ne s'applique pas à La duplicité, l'islamisme. La la duplicité, duplicité bougnoulique. voilà, la duplicité bougnoulique de ces populations, mais tu le vois, hein, quand ils te font des déclarations avec leur grand sourire, tu sens que si tu tournes le dos, tu vas te prendre un coup de couteau, quoi. Ça pue ouais, ça pue la mauvaise foi. Un autre truc intéressant dans ce que tu disais, c'est que je crois que c'est un principe général, que c'est toujours les immigrants de deuxième et troisième génération qui sont les pires. Donc, la première génération, elle a toujours eu l'expérience de leur pays d'origine et ils se disent, ah, ben, peut-être que, disons, la France ou les États-Unis ou le Canada est tellement plus beau et plus organisé que notre pays qu'on va se faire petit et on va essayer de s'intégrer un peu. Tandis que la deuxième génération, elle se sent comme un roi. Ils se disent, ah, ben, moi, je suis né ici, c'est mon pays et toutes les autres peuvent aller se foutre. Pourquoi moi, je devrais me plier à quoi que ce soit? Hein? C'est ma maison, essentiellement. Bah, de toute façon, Donc, on c'est voit ouais. ça aux États-Unis beaucoup. Les Mexicains, la première génération, ils sont affables, ils travaillent fort et tout ça, et on n'a rien à redire contre eux, essentiellement. Par contre, la deuxième génération, ils font des gangs de rue et ils commencent à être des criminels et à vendre de la drogue et tout ça, et ils sont très violents et tout ça. Donc, c'est le principe général. Et c'est le contraire de ce que les gauchistes disent. Ils disent que, oh oui, la première génération est encore un peu dure autour des rough around the edges, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'ils ont encore leur culture d'origine. Mais inquiétez-vous pas, ils vont finir par s'adapter. Tandis qu'en pratique, c'est toujours le contraire. Ça devient de pire en pire. Ouais, c'est ça, c'est qu'en gros, les premières générations, ils ont quitté leur pays parce que c'était la merde, quoi. Leurs semblables ont foutu la merde, donc ils se sont dit, bon, si on continue à faire pareil, ça va être n'importe quoi. Alors bon, ça, c'était valable jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce que les migrants qui arrivent maintenant, ils veulent le caca partout de suite, hein. Du voile, du viol et compagnie, voilà, ils sont là pour ça. Du voile et du viol, ouais, Mais exactement. général, enfin, c'est vrai que jusqu'à un certain temps, les primos immigrants, ils arrivaient, ils restaient assez calmes. Et puis après, leurs enfants, par contre, tu avais on va dire, le patrimoine génétique, hein, l'héritage qui s'exprimait. Hein, et voilà, de suite, ça fait effectivement les gangs de rue pour les Mexicains, des Arabes qui crient partout, qui cassent tout, qui volent, etc. Bon, ouais, c'est. La culture, l'inné et l'acquis, hein, il y a rien à dire, quoi. Hein. Y a de quoi dire. Y a de quoi dire. Alors, bon, bah, il y a des scènes qui ont marqué. Il hein. y a un moment donné dans le reportage, il y a de la Villardière. Il arrive, en fait, ah, ça c'est extraordinaire. Il arrive, il vient filmer une mosquée hein, qui est là, au coin de la rue, qui aurait été fermée, si j'ai bien compris, vous me corrigerez. Et donc, il y a un barbu qui lui répond plus ou moins à ses questions. Et tout d'un coup, il y a une espèce de gang de nègres hirsutes qui débarroulent et qui essayent, dans un français très hésitant d'ailleurs, de le faire fuir. Il dit, mais attendez, laissez-nous travailler. Tu sais, genre, c'est intimide un nègre, tu vois. Laisse-moi travailler, tu vois. Le nègre, la notion de travail, c'est même pas ce que c'est, tu vois. Et là, quoi, alors, bon. Et bon, ça commence à devenir violent. Il se fait bousculer, il se fait prendre par le callback. Bon, voilà. Bon. Ça a bien marqué les esprits. Et sur ces entrefaites, il se rend à la mairie, il pose des questions, c'est-à-dire qu'il demande à... Donc ça, c'est à Sevran, hein, donc qui est un bouge immonde du département de la Seine-Saint-Denis, donc le 93 dans la banlieue parisienne, qui est tenu donc par qui est tenu par Gatignon, hein, ancien coco chassé du Parti communiste parce que gauchiste. Ça vous en dit long. Hein. C'est-à-dire que le mec était peut-être trop à gauche pour le Parti communiste, ils l'ont foutu dehors. Et alors le bonhomme, il est devenu écolo. Donc écolo-marxiste, et il gère ce trou à rats, parce que c'est un trou à rats, hein, faut appeler les choses par leur nom, où pullule une humanité, enfin une humanité, enfin, quelque chose qui ressemblerait plus ou moins à des hominidés, voilà, qui vocifèrent, qui implantent leur mosquée. Et alors il lui pose des questions, il lui dit, bon, écoutez, voilà, j'ai fait le tour de votre commune, bon, il y a quand même des choses qui sont pas catholiques, c'est le cas de le dire. Et notamment, et là il cite un cas très précis, il dit voilà, là il y a un terrain, vous l'avez mis à disposition d'une école salafiste, c'est pratiquement donné, expliquez-moi ça. Et alors, réponse, enfin, Gatignon donne réponse, vous allez revenir hein, là-dessus, sur ce passage, je vais vous laisser répondre là-dessus, mais plus tard, dans les médias, quand on lui a donné le micro, en fait, il a dit, il s'est plaint, il a dit que le journaliste donc de la Villardière, à partir du moment où il avait posé les pieds dans la commune et notamment sur les sites en question, il était venu faire de la provocation. Donc en fait, le journaliste, c'est quand il a constaté un truc, il fait de la provocation. Voilà. Non mais oui. Qu'est-ce mais que c'est... vous voulez dire sur ce truc, ce passage précis là? Ben c'est un blanc déjà, donc Bernard de la Villardière déjà, de la Villardière, c'est un petit peu suspect quoi, tu vois, c'est ça fait très, c'est très français quoi, tu vois. Donc c'est vrai que ce mec-là qui met les pieds à Sevran, qui est un trou à rat rempli de pierres métèques que la terre ait créé, oui, c'est en soi, c'est de la provocation. Oui, non mais d'accord, mais enfin bon. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est-à-dire, oui, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que cette espèce d'immonde, en plus il a une tête, mais cette d'immonde mère, comment dirais-je, écolo-marxiste, explique tranquillement que quand tu vas poser des questions à des musulmans dans une commune où le salafisme pullule, grâce d'ailleurs à son intermédiaire, le type te répond, bah ouais, mais bon, vous les journalistes, vous venez faire de l'application, c'est-à-dire qu'en gros, voilà. Déjà, alors, tu vois, alors... tu te dis, oula. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que dans le reportage, tu as quand même le mec qui gère le parti communiste local est choqué par la collusion entre Gatignon et l'islamisme. Quoi. Le mec en arrive à choquer les rouges. C'est beau, quoi. C'est super beau. Ah ouais, bah ouais, c'est ça qui est fou. Ouais, parce qu'il passe à table. Quelqu'un a vu cet extrait là où on les voit à table là, il y a Gatignon qui est là. Déjà tu vois Gatignon, il est là, bon, il a pas envie d'être là quoi. Et puis l'autre il lui dit bon voilà, bon une école, les filles sont intégralement voilées, vous sortez des gamines de 8 10 ans. Hein. Ah oui. Oui, t'as l'impression d'être au Caire en plus, hein. Faut voir le machin. Hein. Alors, oui, donc terrain prêté par la mairie ou loué, je crois que c'est loué 300 euros, il me semble, par mois. Donc, c'est de la subvention. 300 euros, ça se passe bien. C'est de la subvention voilà. Déguisée, hein, clairement. Et, ah oui, alors, chose étonnante, c'est-à-dire que dans cette académie-là, hein, je crois que c'est dans 93, les écoles privées ne sont pas contrôlées, c'est-à-dire que c'est open bar, quoi. Tu ouvres une école privée. Ah ouais. Ouais, ouais. Tu ouvres une école privée dans l'académie. Oui, oui, exact. Ça ouvre, mais t'as pas de contrôle, donc t'es. Pas de contrôle. Bismillah. Bon, bah, à comparer si tu fais une petite école hors contrat catholique. Hein. Tente le truc, on verra bien si t'as pas de contrôle sanitaire, si t'as pas de petit truc de machin, de contrôle. Voilà. Hey, à mon avis, on a un exemple récent. Il y a un bar identitaire qui est ouvert à Lille. C'est-à-dire, c'est simplement un petit bar, un lieu de rencontre. Les types se sont fait choper, toute l'extrême gauche, toute la gauche leur chie dessus, ouais. Pour les faire fermer. Le maire va être vigilant, donc la poivrotte Martine Aubry, qui d'ailleurs se fait troncher par un immonde musulman aussi, hein, faut quand même le préciser. C'est pour ça qu'elle adore les Arabes, elle est passionnée par ça, je sais pas pourquoi. L'alcool au bout d'un moment ça touche aussi. Et puis les autorités préfectorales, on va surveiller ça de très près, etc. Alors que les types, en fait, c'est quoi? C'est les derniers blancs, c'est les derniers des Mohicans, tu vois, de la région de Lille. Tu vois, les mecs, ils veulent boire un coup tranquille sans avoir de métèques autour d'eux à essayer de les larder de coups de couteau. Voilà. Alors ça, c'est un acte extrémiste. Alors par contre, bâtir une forteresse islamiste en région parisienne, après les attentats, parce qu'on est après les attentats, après tout ce qui s'est passé en Belgique, à Molenbeek, etc., qui aussi est un quartier complètement tenu par les islamistes, voilà, et là, t'as les trucs, alors non, mais vous comprenez, c'est, en fait, il se passe rien, alors, les attentats n'ont rien changé. Ça a été fait avant les attentats ça a été fait de avant. Paris, ouais, ça a été fait, en fait, de Paris, mais après Charlie Hebdo, quand même. Non, ça a été fait après Mohamed Merah, ça, ok. Mais ça a été, c'était quand même municipal en 2014, c'est ça? Enfin, en tout cas, l'arrêté du maire pour la construction de ce projet-là, oui. D'école, a été signé 15 jours avant le premier tour des élections municipales. Voilà. Ça, c'est le communiste qui le dit, hein. C'est le communiste qui passe à table. Il dit, voilà, en gros, c'est du clientélisme religieux. Non, mais c'est, tu as l'arrêté, c'est-à-dire, tu as le document signé en date de donc 15 jours avant le premier tour des municipales, qui autorise l'école de privée salafiste avec location de terrain à 300 euros par mois. Juste à préciser un truc, simplement, après les attentats, il n'a pas coupé ce système-là. C'est-à-dire que c'est toujours en vigueur. C'est toujours en place. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est toujours en vigueur. Ah oui, et vous n'avez rien compris en fait, parce que l'école musulmane confessionnelle, là, c'est ouvert pour lutter contre la déscolarisation. C'est oui, pour c'est ça. Présenté comme ça. Voilà. Aïe, aïe, aïe, aïe, il faut tout leur expliquer. Oui, mais oui. Oui, il a dit ça comme ça. Il a dit oui, ils ne veulent pas aller à l'école par contre, parce que voilà. C'est fou, hein. Mieux, ouais, vaut, non, mais... mieux vaut quand même l'école coranique que. Que rien du tout. Pas l'école du tout. Ah, voilà, bah, oui. Exactement. Ah, oh, mais non, vous non. Savez, de toute façon, l'islam, c'est une religion de paix. Donc, en apprenant l'islam, probablement qu'on va réduire le terrorisme. C'est ça la logique. Alors, attendez, bah justement, ça tombe bien que tu le dises parce que je cite Gatignon, hein, cette espèce d'immonde. De toute façon, il a une tête. Alors, j'hésite. Il a à moitié une tête de PD et à moitié une tête de victime. Choisissez. Bah, il représente bien la gauche, finalement. Ouais, moitié tête de PD, moitié tête de victime. Il y a une photo, bah, d'ailleurs. Hein. Il y a une photo dans laquelle il est... Ah, mais il a des yeux morts. Dans une tente avec son écharpe de mer. Ah oui. Voilà. Ah, mais quel... Mais putain, mais... Et lui, moi, je vous dis, moi, franchement, moi, je le mets à Calais, dans la jungle, anus alloué pour Soudanais. Hein. Pas de problème. Ça, voilà, pas de souci. Bon, ça, c'était la minute un peu violente. Mais j'enchaîne sur ce qu'il raconte, comment dirais-je, le Gatignon, parce qu'il a, il a tout un... Enfin, vous connaissez tous ces vipères lubriques, ils ont toujours des excuses. Alors, il parle du journaliste. C'est lui, donc de la Villardière, qui vient, c'est pas ses équipes, il nous prévient pas avant. Donc, il ne prévient pas les politiques avant de venir filmer. Voilà. Toutes les télés sont venues dans ce quartier et aucun n'a eu de soucis. Mais lui est venu après. Et comme c'est lui qui est venu, il y a eu une crispation par rapport à ça. Et là, je cite, hein. Daesh, donc en fait l'État islamique, est en train de réussir son coup de faire imploser notre société, de créer une rupture. Je n'ai pas vu le reportage, donc il commente un truc qu'il n'a pas vu, mais je ne pense pas que ce reportage va dans ce sens, donc de l'apaisement. On est en plein dans la stigmatisation de Sevran. En plus, nous faisons notre boulot sur ce sujet, on est dans une dynamique pour lutter contre la radicalisation. Alors tu vois, à Sevran, là, tout ce que vous avez vu, c'est une dynamique pour lutter contre la radicalisation, si vous n'avez pas compris. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu as pas mal d'adolescents, hein, qui sont partis se faire tuer en Syrie, hein, au nom de l'État islamique. Et t'as même, donc, en fait, tu as même des parents, tu vois, qui viennent lui dire, attendez, quand c'est que vous allez faire quelque chose, etc. Puis il s'en fout, quoi. Tu vois, donc c'est... Ouais, c'est une ordure, quoi. C'est vraiment une ordure. Mais la logique ici, c'est évidemment, c'est très simple, c'est que les musulmans sont paisibles, mais si on les offusque d'aucune façon, si on les, ou même si on les apaise pas suffisamment, ils vont tous nous tuer. Donc c'est très important, voilà, d'être très très poli avec eux. Bah, c'est un peu comme un braqueur de banque, quoi. Si t'es un peu méchant avec lui, il va peut-être te tirer dessus, quoi. C'est un petit peu comme les migrants, ils sont pas dangereux, mais ils sont dans des endroits où ils seront surveillés, ils ne pourront sortir que s'ils le demandent, etc. etc. Donc ils sont pas dangereux, mais on les surveille. Je sais pas. Bah, mais lui, je sais pas si il croit aux conneries qu'il raconte. Moi, je le perçois comme étant quelqu'un de vraiment assoiffé de pouvoir et qui fait vraiment tout ce qu'il faut pour maîtriser sa ville et pour peut-être monter. Ouais, qui est vraiment dans ce truc là quand tu le vois dans sa tente là, avec sa gueule enfermée, ah ouais, tu crois pas, tu te dis putain, le mec soutient je soutiens les migrants et compagnie, je vais me foutre dans une tente, tu vois, c'est, tu sens quand tu regardes le photographe, il dit je te prends pour un con, tu vois. Je mais pense, je pense il a qu'il y a des yeux, certain cynisme derrière tout ça, hein. Ah oui, non, ouais, tout à fait, évidemment. Ouais, oui, bah, il se place du côté des gagnants et les gagnants ça va être les musulmans, donc c'est simple. Ben oui, il se place du côté dans sa ville, en tout cas, c'est un trou à rats. Il dit il y a 70 nationalités, enfin en gros, il y a 80% de métèques et la plupart musulmans. Donc il fait en sorte de maîtriser, d'être le roi des nègres, quoi. Donc voilà, bravo. Il faut sacrément aimer le pouvoir pour être heureux d'être le roi des nègres dans une ville pareille. Enfin, franchement, ouais, ils sont tarés dans leur tête, hein. Quand même. Hein. Ouais, chacun son truc, ouais. Ouais, bon, on va passer à notre deuxième partie d'émission, et là, c'est consacré à notre ami Zeiger, et on va pouvoir parler, d'Amérique du Nord, on va pouvoir parler du Québec aussi. Alors, Zeiger. Oui. Tu nous viens du Québec, et moi, tout de suite, là, c'est une discussion assez libre, d'ailleurs. Moi, j'ai une question à te poser, c'est quoi la situation raciale au Québec? Les Français, les francophones, les Belges, les Suisses, tous ceux qui nous écoutent, ne connaissent pas forcément le Québec, parce que soit ils n'ont pas eu l'occasion d'y aller, et puis en plus, bon, il faut pour connaître un pays, il faut y vivre quand même, il faut y passer du temps. Alors, on a des échos quand même, hein. On sait quand même, là, vous avez des choses assez moches, comme ce qu'ils appellent les accommodements raisonnables, où en fait, vos politiciens se couchent devant les pires crapules échappées du Moyen-Orient pour leur passer tous leurs caprices. Hein. Vous avez aussi, alors vous, bah, là, je t'inclus dans le Québec, enfin dans le Canada, puisque, bon, bah, de fait, vous êtes dans le Canada, vous avez voilà, pour l'instant, vous avez un premier ministre qui s'appelle Trudeau, qui perd. Bah, on parlait de Gatignon, bah, j'ai l'impression qu'ils sont frères, hein. Ils sont cousins, je sais pas bien, mais c'est la gueule de l'imbécile heureux qui est content de se faire entuber, enfin, c'est assez extraordinaire. Ma première question, c'est quelle est la situation raciale au Québec? C'est quoi la situation? C'est quoi votre immigration? Quel pourcentage en gros? Ça se concentre où? C'est quoi le... Bon. Comment ça se présente? Le Québec, en général, c'est entièrement blanc, sauf Montréal. Donc, Montréal, c'est essentiellement une petite France. Donc, il y a plein d'ethnies différentes. Essentiellement, tous les immigrants viennent à Montréal. Et je dis que c'est une petite France parce qu'il y a aussi énormément de Français de souche là, qui viennent de la France, qui immigrent en quantité difficile à imaginer. C'est vraiment incroyable à quel point il y a des Français qui viennent ici. J'ai l'impression qu'il y a à peu près la moitié des francophones... des blancs francophones à Montréal qui sont des Français. Donc, ça, c'est très impressionnant. Mais dès qu'on sort de Montréal, c'est essentiellement des blancs partout. Il n'y a pas de diversité ethnique, là. Donc, ça, c'est bien. Mais, ouais, essentiellement au Québec, c'est que le gouvernement fédéral nous impose des quotas d'immigration. Le bambou, là, quoi. Et c'est, nous, à cause de notre. Vous ne pouvez pas, au Québec, vous ne pouvez pas choisir votre immigration. C'est-à-dire qu'on peut pas choisir les quantités, mais on peut choisir la nature des immigrants. Donc, nous, les critères qu'on a décidé d'adopter, c'est les immigrants francophones. Donc, on a beaucoup de Français. On a aussi beaucoup d'Haïtiens, puis de Maghrébins. Les Haïtiens, alors les Haïtiens, ça, c'est ce que vous avez du coup, là, en fait. Ouais, parce que la langue française... On a tellement en commun avec critère. Eux, tu comprends. Ouais, enfin, moi, je... Oui, oui, oui. Alors, vous avez du coup, puisque comme critère, c'est la langue, vous avez... parmi les plus belles merveilles du monde que sont l'Algérie et Haïti, quand même, faut le préciser. Alors, parle-nous un peu des Haïtiens au Québec. Qu'est-ce que ça donne cette histoire-là? Parce que moi, quand je les vois, entre deux tremblements de terre, ils n'ont pas l'air de faire grand-chose dans l'arrivée à la con. Non, les Haïtiens, c'est des spécimens humains qui servent complètement à rien. Ben, je veux dire, t'as juste à regarder l'Haïti humain. Et tu vois que. Disons que c'est des bipèdes sans plumes. Regardons ça à ça. C'est un petit peu les Somaliens des Caraïbes, quoi. Ah, sont probablement pires. Ben, ils sont peut-être moins violents que les Somaliens, mais ils sont encore plus stupides. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de voir des discussions entre Haïtiens et Africains, et c'était assez clair que les Africains les considéraient comme des sous-humains. Donc, ça vous donne un peu une idée ah, la du vache. Calibre dont on parle. Et ça, c'est le choix favori du Québec pour repeupler le Québec, quoi. C'est... Oui, parce que c'est un très bon matériel humain. Après tout, ils ont une âme en commune avec nous parce qu'ils parlent français. Et la langue, c'est ce qui est le plus important. Français. Ouais, ils parlent des mots en français, mais bon. Non, ben ils imitent. C'est comme un peu un perroquet. Donc, ils ont entendu des choses quand ils étaient jeunes. Et là, ils répètent. Et ça donne un peu l'impression qu'ils sont conscients. Ils n'ont pas fait exploser la criminalité au Québec? C'est pas si pire que ça parce que le service de police est assez agressif et assez professionnel. Là. Disons qu'il n'y a pas encore beaucoup de Noirs et de minorités ethniques qui ont rempli notre service. Et ils ont encore du profilage racial qui se fait à ce niveau-là. Donc, c'est assez agressif de ce côté-là. On n'a pas encore, on sent pas encore les conséquences violentes de l'immigration. Donc, de ce côté-là, c'est difficile de radicaliser les gens parce que pas encore des conséquences très néfastes. Mais, évidemment, on a quand même le plaisir d'être enrichi culturellement, donc ça, il faut le mentionner. Vous avez des Algériens aussi, parce que qui dit langue française, donc vous arrivez avec des mecs qui viennent d'Algérie qui disent « Moi, je parle très bien français mieux que toi. » Normalement. Oui, oui, tout à fait. Ben, il y a plein de commerces à Montréal qui sont... donc l'industrie du kebab est en pleine expansion, donc une fois, un bel enrichissement culturel de ce côté-là. C'est drôle, oh. Que le meilleur argument pour le multiculturalisme, c'est toujours le kebab. Ouais, bon. Mais ça, mais... Non, mais comme alors chez ça, nous, c'est, hein. Ça, c'est le... Ça, c'est le révélateur du gauchiste oui. Fini à la pisse. C'est-à-dire, c'est quoi ton plat préféré? C'est le kebab. Ok, salut. Donc, toi, tu nous dis donc de l'haïtien, de l'algérien, quelque chose d'autre encore. Le des vietnamiens aussi, parce que le je crois que le français, c'est une langue secondaire au Vietnam. Donc, il y a beaucoup de vietnamiens. Il y a longtemps. Hein. Ouais, bon. D'accord, ok, très bien. Au Canada, qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi comme immigration qui se tape c'est à Ottawa, mais compagnie? Je crois que ça change beaucoup dépendamment de la région. Là. Disons, Ottawa, c'est une ville plutôt administrative. Là. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais Toronto, par contre, c'est le New York du Canada. C'est plein de Juifs, énormément d'Arabes, de Pakistanais, des trucs comme ça. Ceux qui vivent en... Je crois probablement que les Blancs qui habitent à Toronto sont peut-être les plus polarisés entre communistes finis et nazis radicaux, disons. Les gens de Toronto ont une expérience de vie assez horrible et il n'y a personne qui veut vivre là, évidemment. Et de toute façon, les prix pour habiter là sont inimaginables, là, je veux dire. Tu vas pas pouvoir trouver un appartement pour moins de, je crois, 1 000-1 500 euros par mois. Là. Ça, c'est comme une pièce, là, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est assez... désagréable. Je crois pas que personne de civilisé va vouloir habiter là. Par contre, dans l'Ouest canadien, on a la Colombie-Britannique qui est complètement envahie par les Chinois. Je crois qu'ils vont là par bateau. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais par les égouts. Par les égouts, oui. Ils nagent jusqu'ici par les égouts. Du côté de Vancouver. Mais d'après ce que je comprends, à Vancouver et à d'autres villes, il y a certains signes, panneaux de signalisation qui sont en chinois. Donc, l'assimilation arrive assez rapidement. Ça, c'est bien. Bah ouais, vous vous assimilez, ouais, c'est bien. Nous, on s'assimile formidable. À eux, ouais. C'est toujours comme ça que ça se passe. Oh, extraordinaire. Alors, du coup, face à cette tiers-mondisation du Canada, je vais pas parler de la classe politique, mais enfin. Est-ce qu'il n'y a pas l'air d'avoir un déclic? Parce qu'en Europe, il y a un déclic hein, quand même, attention. Hein. En Europe centrale, en Europe de l'Est aussi, mais même en Europe de l'Ouest, il y a quand même des mouvements qui sont présents. En Amérique du Nord, en tout cas au Canada, il n'y a pas de mouvement d'opposition à l'immigration de masse. Moi, quand j'écoute les médias, même au Québec, c'est bon, tu pourrais me dire l'inverse. Tu pourrais dire, ouais, mais attends, en France, en Belgique, en Suisse, c'est la même chose. C'est des médias ultra-conformistes. Mais enfin, même dans ces médias conformistes, en France, ouais, y a toujours quand même à cause de le poids, par exemple, du Front National ou de groupe, etc., comme ça, bon, y a toujours quand même quelque chose qui passe à travers. J'ai l'impression que chez vous, il n'y a pas tellement de critiques systématiques, quoi, de l'immigration. Il n'y a pas tellement de voix qui disent. Ouais, c'est en train de commencer en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui émergent peu à peu, mais on est vraiment dans le début de ces choses-là. Là. Donc, il vient d'avoir la Pegida Québec qui a débuté il y a très peu de temps. Il y a les soldats de Hodin qui ont commencé à être actifs, mais c'est quand même, c'est même pas au niveau du Front National. Là. C'est très à gauche du Front National, donc ça vous donne une idée. C'est essentiellement des communistes puis des libéraux, des libéraux pour américains, donc des gauchistes qui commencent à être inquiets de l'islamisation du Québec et du Canada, et donc ils veulent garder leurs valeurs comme la diversité ethnique, la tolérance de l'homosexualité, ces choses-là. Donc, on est encore dans des trucs très rudimentaires. D'accord. Mais évidemment, moi, j'essaie d'organiser des trucs un peu plus extrêmes, mais ça va être assez difficile. Là, ça... Disons que au Québec, c'est différent du Canada, parce que au Canada anglais, on parle encore d'anglophones qui sont très à gauche et la pression sociale pour se conformer au libéralisme est très forte. Alors, libéralisme, tandis qu'au Québec, tu veux dire le libéralisme, c'est au sens anglophone, c'est-à-dire ça veut dire être progressiste, c'est-à-dire être de gauche, quoi. Oui, être progressiste et de gauche. Tandis qu'au Québec, on a quand même un certain patriotisme ou un nationalisme civique qu'on appelle. Donc, on a quand même la notion d'être un peuple et de vouloir se protéger contre ouais. L'invasion, mais c'est pas encore l'aspect racial n'est pas du tout développé, donc il y a du progrès à faire de ce côté-là. Et aussi au Québec, on a l'avantage que les Juifs ne contrôlent pas nos médias, là. C'est des goyims qui possède tous les réseaux principaux. Donc ça, c'est un grand avantage, là. Les gens qui ont des opinions politiquement incorrectes ne se font pas exclure systématiquement. Donc il y a encore un potentiel ici. Parce qu'il faut quand même le préciser, c'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un certain nombre d'intellectuels juifs qui sont parmi les plus hostiles à l'immigration et à l'islam. Ça, faut le préciser, on a des gens comme Éric Zemmour qui ont un succès énorme en France, qui sont des gens radicalement opposés à l'immigration, à l'islam, qui proposent même, je crois, d'inverser les flux migratoires, bon, un certain nombre de choses comme ça. Bon, c'est pas du tout ce qui se passe aux États-Unis où, en fait, vous avez une immigration... Enfin, t'es pas américain, je le sais bien, mais en Amérique du Nord, vous avez une immigration qui n'était pas islamique et comment dirais-je, qui n'avait pas une forme de capacité de revendication globale, hein, de disant, voilà, nous, on veut changer la société. Vous aviez, voilà, des types qui venaient chez vous, voilà, mais pas encore de musulmans en masse. Et moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des trucs comme le Nightbreed au Canada qui a une influence délétère. C'est-à-dire que c'est des gens qui soutiennent les musulmans, quoi. Hein. Ils sont, oui, c'est une alliance claire. Sont, même, je crois qu'il y a des organisations musulmanes qui sont officiellement affiliées à la Nightbreed. Ah ouais, bah ça, c'est hallucinant parce que ça correspond. Parce que le Nightbreed en France, eux, ils font l'inverse. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils font des salons du livre, tu vois, avec des gens comme Riposte Laïque, par exemple. Riposte Laïque, c'est l'équivalent de Pegida, tu vois. Les mecs disent l'inverse, quoi. Ils disent non, non, stop, merci. Comme quoi, c'est assez je crois que les Juifs en France commencent à sentir que la montée de l'islam va être très nocive pour leur position de contrôle et d'influence. Donc là, ils inversent le... Ils bah inversent oui, ils se font tuer. Il faut comprendre un truc, c'est qu'en France, ils se font assassiner. Hein. Voilà, nous, on a eu Mohamed Merah qui a fait un strike dans une école maternelle juive, donc qui a tué des gosses et compagnie. On a eu après, à l'époque, donc au moment de Charlie Hebdo, tu as eu Koulibaly qui est allé faire aussi un strike, mais cette fois-ci dans un hypermarché cachère. Donc, oui, effectivement, nos juifs, depuis 3-4 ans, tout ce qui est. Il y avait eu Ilan Halimi quand même, hein, faut pas l'oublier. Oui, bon, c'est vrai que ça avait fait un truc, mais bon, il restait quand même. Il continuait à faire des sorties, des manifestations antiracistes, tu vois. Assez relayé dans les médias. Depuis l'hyper cachère, il n'y a plus rien. Hein. Moi, au niveau des médias, ce qui a été relayé. Alors, il y a peut-être des trucs qui font des trucs, en tout cas, hein, ça reste marginal. C'est plus les grandes messes du vivre ensemble et de l'antiracisme comme on a pu voir à l'époque. Ça, c'est fini. Hein. Oui, bien évidemment, les Juifs, leur stratégie, c'est toujours de faire ce qui est bon pour les Juifs. Donc, faut pas s'étonner de ça. Ils vont s'adapter jusqu'à un certain point aux situations, mais leur instinct, c'est l'idée de favoriser l'immigration dans les pays européens. C'est comme, je crois même pas que c'est une stratégie consciente, c'est comme un instinct racial qu'ils ont. Donc là, il y a certains des plus intelligents, des plus intellectuels qui se rendent compte consciemment que c'est problématique et ils essaient de renverser la tendance. Mais ultimement, je crois que ça va pas. Je crois pas que ces gens-là sont nécessairement très populaires avec les Juifs, peut-être en France. Là, vous pouvez me le dire. Est-ce que ça a beaucoup d'influence avec les Juifs? Est-ce que les Juifs commencent à voter pour le Front National en bloc ou? On sait pas, mais ouais, dans les bases, parce que c'est difficile, parce qu'il y a jamais, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'en France, tout ce qui est en quête d'opinion sur les critères religieux, raciaux et autres, c'est strictement interdit par la loi, parce qu'on est tous égaux, etc., on est tous communistes, donc on peut pas le déterminer. Mais on sait que bon, clairement, les Juifs savent qu'ils sont ciblés par les Arabes, les Nègres et autres, et donc si tu veux, la paix et l'harmonie ne règnent pas particulièrement. Et il y a une grosse inquiétude, et puis il y a une grosse immigration aussi, c'est-à-dire que les Juifs quittent la France, ça faut le savoir. Voilà, c'est ça. Ils quittent la France par dizaines de milliers. Depuis les attentats, les alias, hein, donc c'est-à-dire les départs pour vivre définitivement en Israël, ça a doublé, triplé, chaque année, tu as des évolutions de cet ordre-là. Plus ceux qui partent vers la Grande-Bretagne, vers l'Amérique du États-Unis, Nord, vers l'Amérique du Sud et autres, voilà, bon, donc voilà. Alors, comment dirais-je, Zeiger, toi, tu interviens sur YouTube. Tu peux nous parler un peu de ce que tu fais et qu'est-ce que tu vises à faire? Mon activité principale, c'est que je suis un éditeur à Daily Stormer, qui est un journal américain d'extrême droite, là. Mais évidemment, c'est très ludique, c'est drôle et c'est visé, ça vise les jeunes. Donc, ça a une assez grande circulation. C'est probablement le site de droite le plus populaire au monde en ce moment. Ça a battu Stormfront il y a une année déjà. Donc, c'est gros. Et nous, on fait des articles de nouvelles où on rajoute des blagues, on ajoute du commentaire, des choses comme ça. Et on publie comme 15 ou 20 articles par jour. Donc, c'est assez gros, c'est assez sérieux. Ben, sérieux. Le ton n'est pas sérieux, mais on promouvoit des valeurs d'extrême droite, là. Donc, évidemment, opposition aux Juifs, opposition à l'immigration, opposition à la dégénérescence sociale et tout ça. Mais en même temps, on enveloppe tout ça dans une esthétique qui est jeune, qui est moderne, qui vise vraiment à être à la mode, tendance, quoi. Ouais, l'esthétique de la génération des jeux vidéo, donc, avec toutes les références. Alors, je sais pas, tu as des... ben, on parle souvent de Pépé, hein, Pépé the Frog, hein, les mêmes... Bah, on l'a adopté, d'ailleurs, on l'a adopté. Exactement. Donc, on met des références de dessins animés, de jeux vidéo, de culture populaire, de trucs comme ça. On se réapproprie essentiellement la culture des jeunes pour véhiculer un message nazi. Oui, un message de... Oui, il n'y a pas que ça. Il y a un message pro-blanc. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Oui, c'est un message blanc parce que... nazi... Moi, c'est pas ce qui transparaît, hein, sur ce site-là. Je sais qu'effectivement, le rédacteur en chef... s'y associe, mais je veux dire, il y a plein d'articles qui sont des trucs, enfin je veux dire, il n'y a rien de... Enfin, c'est du bon sens, enfin il y a plein de trucs de bon sens, hein. Moi ce que je vois, c'est surtout des constatations, hein. Enfin bon... C'est... Oui, ben, quand je parle de nazisme, je parle pas nécessairement des doctrines économiques, ésotériques ou de quoi que ce soit comme ça, c'est juste un terme, parce que le terme est tellement chargé et tellement utilisé par les médias, on aime ça s'appeler des nazis parce que ça fait c'est du théâtre là, essentiellement. À l'inverse, de toute façon, même si ça vous plaît pas, vous êtes traité de nazi. Voilà, oui, c'est ça. C'est surtout ça, c'est-à-dire que oui, quand tu es des idées un petit peu, tu commences à être à droite, quoi. Hein, tu te fais de suite traiter de nazi. Alors t'as deux postures. Soit tu te recroquevilles dans ton coin et tu demandes pardon. Soit tu dis salut, je suis nazi, lol. Hein, c'est Bah exactement, nous on fait ça et c'est... on est un peu voilà. Utilise l'ironie quoi pour faire que dit on dit oui, je suis un nazi, je suis un suprémaciste blanc, etc. Et on le fait avec tellement de force et d'énergie que ça semble ironique en même temps, mais il y a un doute quelque part. Donc ça désarme complètement le premier réflexe du gauchiste qui est de dire ah, t'es raciste et ça. Donc nous on embarque tout de suite avec ça. Et c'est très efficace. C'est-à-dire que ça donne un aspect de force puis de charisme que les espèces de patriotes mous n'ont pas. Parce qu'eux, évidemment, ils sont toujours à essayer de donner une manucure à leur image. Là, et ça, ouais. ça les fait paraître faibles et stupides. Au niveau liberté d'expression, c'est pas comme en France aussi. Oui, tout à fait. Les serveurs sont aux États-Unis, donc ça nous donne une bonne marge de manœuvre. Mais je crois que même, mettons, un Français pourrait avoir une liberté d'expression s'il mettait ses serveurs soit aux États-Unis ou en Russie ou quelque chose comme ça, un endroit où il ne peut pas se faire fermer facilement. C'est-à-dire que bah ouais, les mais Russes... C'est pas le problème, oui, c'est qu'après, toi, en France, tu te fais arrêter quand même. Non, mais c'est pas... Ouais, ou quelque chose comme ça, j'aime bien, en Russie, ou quelque chose comme ça. Non, mais... De une, tu te fais arrêter. De deux, tu as toute la croûte de l'extrême droite française qui aime perdre depuis 30 ans, qui va venir te dire que ton approche est méchante, que tu sers l'ennemi, etc., etc., et qui va te foutre dans le trou. Ça a déjà été fait. Oui, mais ça, c'est pas très grave. Ben, c'est-à-dire que ça va arriver au début, mais le niveau de succès va être tellement élevé qu'après une année ou deux de cette approche, ben, ils vont voir que c'est eux maintenant qui sont, dans le passé. Aux États-Unis, le monde anglo-saxon, peut-être. En France, je crois moyen. C'est vraiment les jeunes qu'il faut viser. C'est le gros problème. Mais nous, on ne peut rien dire. Donc le moindre mot que tu vas dire, même avec de l'ironie, ça passera pas chez toi, sauf si tu t'appelles Sarkozy, Copé, etc. T'as le gros problème. Mais si vous êtes anonyme, je comprends. Je ne comprends pas comment le gouvernement peut vous arrêter. Anonyme, avec des moyens techniques pour être difficile à retracer. ça se fait très bien, non? C'est que, moi, je reste sur ma position, c'est que la France est un pays bolchevique gouverné par une clique, une vieille bourgeoisie, comment dirais-je, socialiste, tu vois, qui craint pour ses intérêts, qui craint pour ses comptes en banque, et qui en a rien à foutre de faire de tous nous faire crever tant qu'eux, ils peuvent jouir encore un an, deux ans, dix ans, voilà, c'est le seul truc qui les intéresse. Donc s'il faut recourir à un état policier pour défendre, comment dirais-je, la nomenclatura, ils hésitent, y a pas de problème. Hein. C'est très différent des États-Unis où vous avez une nomenclatura, mais vous avez encore un premier amendement. Enfin, je dis vous, non, c'est pas correct parce que t'es pas américain. Mais aux États-Unis, vous avez encore un premier amendement. Je te accorde que si Hillary Clinton est élue, votre premier amendement, vous pouvez vous le foutre dans le cul. Hein. Ouais, ça, on peut oublier ça. En fait, c'est que le premier amendement, il tient une ficelle en ce moment parce que la Cour suprême américaine a 9 juges. Donc, c'est fait en sorte qu'il peut toujours avoir une majorité sur n'importe quel vote qui est passé. Mais là, il y a un des 9 juges qui est mort, et c'est un juge traditionnaliste, c'est-à-dire qu'il défendait la Constitution. Si Hillary Clinton est élue, elle va mettre un juge communiste traître à la Cour suprême. Et donc, maintenant, toutes les positions, tous les projets de loi marxistes, anti-blancs, etc., vont passer super facilement. Donc, on va pouvoir dire adieu à la liberté de parole, mais aussi à la liberté d'armes et de tout ça. Ouais. Qui est considéré comme très important par les Américains. Bah, vous aurez un régime comme nous, on se le tape, c'est-à-dire, enfin, comme il y a en Europe, c'est-à-dire c'est des régimes crypto-bolcheviques et des régimes crypto-communistes qui vous interdisent de tout faire, de vous exprimer, qui envoient les flics chez vous le matin à 6h pour vous arrêter parce que vous avez fait une phrase sur Facebook qui plaît pas au gouvernement, etc. Vous aurez ça, voilà, parce que voilà. Et dans le même temps, les musulmans, eux, ils créent des forteresses islamistes en plein cœur des métropoles, voilà, et ils sont intouchables. Les flics osent même pas les approcher, etc. Voilà. Et voilà. C'est ça qui effectivement attend les Américains. Hein. Ben, je sais pas s'ils en sont conscients, mais effectivement, c'est ça qui les guette. Ben, y en a certains qui en sont conscients, puis c'est pour ça que la force anti-Hillary est si forte. Essentiellement, le conflit entre Hillary Clinton et Donald Trump a redonné vie à une certaine droite. Là. Ça met du vent dans nos voiles parce que c'est comme un véhicule, si on veut, pour pouvoir pousser des idées beaucoup plus extrêmes qui étaient difficiles à faire avaler avant. Moi, je pense avant. Pas que c'est des idées extrêmes. Moi, je pense que c'est des idées normales. C'est des idées normales. Oui, réalistes. C'est le bon sens, mais c'est extrême par rapport aux normes. C'est les autres, hein. C'est les autres qui sont extrémistes. Hein. Ils sont fous. Hein. Donc, vouloir remplacer... C'est toujours la position qu'il faut avoir. Vouloir remplacer les populations blanches hein, en Europe qui sont autochtones par des avalanches de nègres et d'arabes, c'est ça qui est extrémiste. Hein. C'est pas vouloir que la situation normale perdure. Hein. Voilà, exactement. Nous sommes désespérément normaux, modérés et centristes. Exactement. C'est ce que je me tue à dire exactement, aux gens. Exactement, oui. Ouais. Bon, bah, chers amis, merci Zeiger de nous avoir accordé discussion, t'es le bienvenu hein, sur l'émission, tu viens, t'interviens quand tu veux. Je pense que, surtout avec les élections présidentielles, on aura sûrement des trucs à dire aux États-Unis au niveau de l'alt-right. Hein. Bon, ça aussi, c'est un phénomène qui mériterait bien qu'on en discute plus à fond, quoi, vraiment spécifiquement. Donc, merci à toi, merci à tout le monde d'être venu. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une émission, j'espère, intéressante. Un peu plus modérée. Un peu plus modéré quand même. Oh bah, t'es modéré aujourd'hui. T'es modéré. T'es modéré. Présente. On peut forcer le ton quand même. Hein, forcer le ton. À la semaine prochaine, chers amis. Le bateau vient juste d'accoster. Encore une belle fournée. Elle va bientôt s'installer. La diversité. Ils viennent reconstruire l'Occident avec leurs femmes et leurs enfants, sans oublier de s'intégrer aux braves immigrés. Elle vient guérir toutes nos douleurs, il nous faut toutes ses couleurs, l'ami de la France métissée, la diversité.